C'est quoi l'histoire? Parle-moi de ça. J'entends parler de ça depuis hier après-midi, là. Là, un père puis une mère, ça existe plus, là. Non, ça existe plus. Ça s'appelle maintenant des parents. Moi, je suis plus un père. Je suis un parent. T'es un parent. Denis Gravel, c'est pas un nouveau père, c'est un nouveau parent. Exactement. Sa blonde, c'est pas une nouvelle père, c'est un nouveau parent aussi. Non, c'est pas une nouvelle père, non. C'est pas une nouvelle mère, plutôt. C'est un parent, là. On est tous des parents, go, filles. On est des parents. Il n'y a plus de père et mère. Est-ce que mon fils a encore le droit de m'appeler papa, matin? Ah, oh, je suis pas certaine. C'est interdit. Faut que je t'appelle parent. Sans dire que c'est interdit, C'est parce qu'hier, quand je suis arrivé à la maison, mon fils m'a appelé papa, là. Est-ce que ça se peut qu'il subisse certaines conséquences? Je pense pas que lui, ça le touche. En fait, l'histoire, l'origine de ça, c'est entre autres la commission scolaire de la capitale qui modifie ses formulaires pour s'adapter aux ce qu'on appelle nouvelle réalité de famille homoparentale. Pardon, es-tu en train de virer fou, là? Ben, c'est parce qu'on gère de l'exception, encore une fois, là. Puis c'est, de l'exception. C'est plus que de l'exception. Ben, ça doit arriver une fois de temps en temps, là. De temps en temps, prendre une classe de 30 élèves un matin, là. Non. Ça, c'est certain que d'une classe. Commission scolaire de la capitale. On est à Québec, là. On est pas à Los Angeles, là. Non. Avec une classe, je te ferai pas une statistique, c'est sûr. Ben, moi, t'en faire une. Sur ben des classes de 30 élèves, il va y avoir zéro personne concernée par ça, là. Les parents du même sexe. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de remplacer les mots père et mère sur les formulaires par des termes plus généraux, comme plutôt parent. Il semblerait que le Centre hospitalier universitaire de Québec va prendre le même virage aussi. On dit que les premiers formulaires d'inscription modifiés vont faire leur apparition en février 2014. On dit que ça fait pas suite à une plainte, c'est plutôt une observation qu'un parent avait faite l'année passée, qui a soulevé ça et qui ont décidé qu'ils modifieraient les formulaires. Alors que si, attends, parce que si ça arrive, là, tu barres mère puis t'écris père au-dessus, puis c'est pas mal réglé. Je pense pas que ça change quoi que ce soit. Ouais, mais est-ce qu'on peut montrer à l'enfant que la majorité, là, le monde dans lequel on vit, la majorité, c'est un père et une mère? Est-ce qu'on a-tu encore le droit de dire ça au Québec? Que la grande majorité des enfants, ils ont un père et une mère. Ça, je pense qu'ils le savent. Est-ce qu'on peut aussi le faire comprendre, c'est là qu'on tombe dans le délicat un peu, est-ce qu'on peut aussi le faire comprendre aux enfants qui ont un père et une mère, qui ont deux mères ou deux pères? Là? Est-ce qu'on peut leur faire comprendre aussi? Là? À quel âge ils vont devoir affronter ça, là, si on les protège de ça de façon complètement ridicule, de cette façon-là, là. À quel âge on peut dire à un enfant qui a deux mères lesbiennes, gars, c'est parce que c'est un petit peu une exception, là, puis dans la vraie vie, ben, la grande majorité des enfants, ils ont un père et une mère, là. On peut encore le dire que c'est ça, la majorité des parents, c'est les deux sexes, et on peut-tu encore le dire que pour un enfant, c'est peut-être ça l'idéal aussi? Ça, j'embarquerai pas là-dessus, parce qu'on va encore se chicaner. Embarquer. Est-ce qu'on peut encore le dire au Québec? La majorité des parents, c'est ça, là, c'est un père et une mère, là. Ça, il n'y a aucun problème. Que tu dises que c'est mieux, par exemple, ça, on s'est déjà obstiné là-dessus, on va continuer à s'obstiner là-dessus. Moi, je pense qu'un enfant, idéalement, a besoin d'un père et d'une mère. Je te dis pas que deux lesbiennes ne peuvent pas faire des bons parents. Mais honnêtement, là, très honnêtement, je me serais pas vu, moi puis Vin, s'élever mon enfant. Non, au mais vous autres, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Hein. Mais non, c'est pas pareil. C'est parce sûr. Parce que vous êtes pas, pas dans un mode de couple où vous voulez un enfant. Sont bons, là, c'est mais, pas qu'ils sont bons. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y a des hétérosexuels qui sont parents qui devraient pas avoir d'enfants. Définitivement. Il y a aussi de très, très bons parents hétérosexuels. Je te ferai remarquer qu'il y a bien des couples homosexuels qui pensent comme toi puis qui ont pas l'intention d'avoir d'enfants parce que dans leur tête, c'est pas un modèle qui convient. Il y a des exceptions, comme il y a des exceptions chez les hétéros, puis je pense que quand tu décides que tu as un enfant, les deux vont s'arranger pour que cet enfant-là soit jamais dans le besoin. Mais si on se dit, là, qu'est-ce qui est l'idéal? Posons-nous la question, là, laissons faire là, les belles phrases. Là. Posons-nous la question à matin, là. Le scénario idéal, top-notch pour un enfant, c'est quoi? Tu vas me trouver plate, là, mais c'est deux parents qui aiment leur enfant. Ouais, mais sais-tu, moi, je vais aller plus loin. C'est un père et une mère qui aiment leur enfant et qui vont bien s'en occuper puis qui vont bien... C'est ça, l'idéal. Puis je suis pas en train de dire que les lesbiennes, c'est des mauvaises mères. Parce qu'au nombre de temps que t'as passé dans un palais de justice, Jérôme, là, combien de fois t'as vu des histoires dégueulasses de parents qui se chicanent, de pères qui agressent, de mères qui sont proches? Ça peut arriver avec des couples homosexuels. Est-ce que les homosexuels sont à l'abri de ça, Véro? Ils sont pas à l'abri de ça. Par contre, souvent, ils vont passer par l'adoption ou encore par l'insémination. Et dans les deux cas, ils ont un processus à passer qui va être pas mal plus rigoureux qu'un one night. Ouais. Mais moi, je pense que les homosexuels ne sont pas à l'abri de se comporter tout croche non plus. Non, c'est pas ça. Je te dis, je leur donne pas le bon Dieu sans confession. C'est pas parce que t'es un couple homosexuel que tu vas être automatiquement un bon parent. Moi, je pense que... Puis oui, deux gars homosexuels vont être capables, peut-être dans certains cas, d'élever un petit bébé, une petite fille. Ben oui. Moi, je me serais pas vu, moi puis Vin, s'élever une petite fille. Non, je vous aurais pas donné une petite fille, les deux. Je m'excuse, là, puis un petit gars, pas ben non plus. OK? C'est ça, la réalité, là. Mais par contre, ça empêche pas que oui... Il y a des homosexuels, deux gars ensemble qui décident d'avoir un enfant. d'adopter, oui, ils peuvent être de très bons pères, meilleurs que certains couples hétérosexuels. C'est ça que je te dis. Mais le scénario idéal pour un enfant, c'est d'avoir un père et une mère qui vont bien s'occuper de lui, qui vont lui fournir tout ce qu'il a besoin, qui vont lui donner de l'amour et qui vont bien le traiter. C'est ça l'idéal pour un enfant. Il n'y a personne qui va m'enlever ça de la tête. Puis je vais choisir ça pour un enfant avant un couple homosexuel. Je m'excuse. Je vais peut-être choquer bien du monde. Ça se dit plus, ça, au Québec. Mais moi, je vais le dire, matin. C'est sa réalité. Mais dans un cas comme dans l'autre, je suis pas sûre que changer les formulaires, ça change de quoi. Je suis pas certaine que le couple homosexuel ou l'enfant qui a des parents, comment ils appellent ça, dont la famille est homoparentale, là, ouais. J'ai l'impression que le formulaire, eux autres, s'adaptait très bien à ça. Là. Ben, c'est ça. Là. C'est... Encore une fois, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup pour pas grand-chose. C'est ça, mais c'est parce que... On en fait beaucoup, effectivement, pour rien. Puis l'enfant, lui, ben, de toute façon, il va s'en apercevoir qu'à un moment donné, la grande majorité des enfants, ils ont un père et une mère. Puis ses petits amis aussi vont s'être fait expliquer à un moment donné que, regarde, ton ami a deux papas, deux mamans, c'est comme ça, c'est rare que ça arrive, mais dans son cas, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'on essaye de gérer le gros du portrait, alors qu'en général, ça se gère entre parents, puis ça se gère avec les enfants. Exact, c'est un formulaire, ça changera absolument rien. Fait que donc, commission scolaire de la capitale, le CHU et aussi la commission scolaire de Montréal qui sont malade. Mais la commission scolaire de Montréal, ils ont pris cette décision-là suite à la demande de la coalition représentant les parents lesbiens, gays, bisexuels et transgenres. Ils sont combien eux autres au Québec en passant? Je sais pas, j'ai pas les chiffres là-dessus. Sont-tu en millions? Non. Sont-ils en centaines de milliers? Non plus. En dizaines de milliers, je suis pas sûr non plus. Peut-être en milliers, là. Peut-être en milliers, mais c'est pour ça que je te disais qu'on gère vraiment l'exception, là. C'est la folie furieuse. Tu vois, en juin, on nous disait qu'il y avait 1000 bébés québécois nés de deux mères. 975 1000. Familles homoparentales. Ah ouais. Tiens, c'est des chiffres que j'ai, là. Je vais essayer de te sortir. 975 familles homoparentales, ça, c'est dans la dernière année, ça? C'est des chiffres qui sont. Là, on change des formulaires pour ouais, ça. Ouais, exactement. Là. On essaie de nous faire croire que, c'est répandu, puis vivez avec ça. Nous, on est en 2013, puis les couples homoparentales, c'est ça la norme maintenant, puis il n'y a pas de problème, puis c'est ça, là. C'est non, ça, non, regarde, même dans l'article de la presse, ils disent que c'est un phénomène marginal, là. Très, très marginal. Très, très, très, très marginal. L'Indien Yum Yum, y a-tu le droit de vivre, lui? Ça, c'est l'autre niaiserie. Y a-tu le droit d'exister encore, l'Indien Yum Yum? Parce que là, l'Indien des Redskins de Washington, dans la NFL, ça se peut qu'il disparaisse. Ça se peut qu'on soit obligé de changer le nom de l'équipe parce que c'est raciste, hein. C'est les Redskins, les peaux rouges de Washington. C'est l'équipe a beau exister depuis quoi? 1920 quelque chose, là. Non, ça fait plus, là. Et la réalité, c'est que l'Indien Yum Yum est menacé de disparaître. Ben en fait, il avait déjà disparu une première fois. Te souviens-tu quand? C'est un logo d'Indien. À quel moment, selon toi, dans l'histoire du Québec, l'Indien Yum Yum est disparu? Ben ça doit être dans les années 90, d'après moi. Oui, et quel événement a fait ça? La crise d'Oka. Exactement, c'est à ce moment-là qu'on a enlevé la tête de l'Indien des chips Yum Yum qui proviennent de la compagnie québécoise Crispy Kernel. Et là, on a décidé de le ramener parce que ça fait partie de l'historique, ça fait partie de la nostalgie, ça pogne. Fait que la compagnie qui avait décidé de ramener ça, et là, tu sais bien que du moment où ils l'ont annoncé, là, ça fait tiquer, puis on n'aime pas ça. Puis le petit enfant là, qui ressemble au petit Yawata de nos livres de Disney. Puis en plus, c'est censé être pour une brève période que cette campagne-là a cours et malgré tout, on trouve le moyen de chialer là-dessus. Mais on n'a plus le droit de rien faire. Non, c'est ça. Vous avez des commentaires, 670-9098 live à RadioX.com. Quelques commentaires. Normand qui me demande sur live, en quoi ça me brime que des couples homosexuels aient des enfants? Moi, personnellement, ça change rien dans ma vie. Ça change zéro dans ma vie. Qu'un enfant soit adopté par deux gars ou deux filles, ma journée va se dérouler exactement de la même façon. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que je suis content d'avoir eu un père et une mère plutôt que deux pères ou deux mères? La réponse, c'est oui. Toi, Véro, es-tu content d'avoir eu un père et une mère plutôt que deux pères ou deux mères? Bah. Je peux pas comparer, là. Oui, moi, c'est oui. Moi, je vais vous le dire. J'adore mes parents, là, mais je me suis jamais posé la question, puis j'ai l'impression que je me serais adapté, là. Ouais, peut-être. On se serait peut-être, quand t'as pas connu d'autres choses. J'aurais trouvé bien pire d'avoir des frères et des sœurs, toutes de pères différents, qu'on croise jamais parce que ma mère serait une tout croche. Ouais. Tu comprends-tu? Si on fait la hiérarchie de ce que je trouve le plus dramatique dans une famille, là, l'homoparentalité, ah ben non, là, je trouve raison, c'est loin dans ma liste. T'as totalement raison. C'est pratiquement dans le bas. Là. Mais en même temps, on peut-tu regarder de l'autre bord? Le scénario, le contexte idéal pour un enfant, c'est quoi? On peut-tu se la poser, la question. Est-ce que c'est égal? Deux mères ou prenons là des gens très très compétents pour être parents là, le top des notch, bons parents, le top notch des êtres humains. Le cute, tout est parfait, tout est on parfait, s'entend bien. Des gens on qui ont pas de pas, prenons des gars, des filles qui ont pas de bébête entre les deux oreilles, qui ont pas, qui ont rien. Tu le sais que ça existe pas, hein. Ben tu le sais que ton pas, scénario idéal parfait. N'existe non, pas. Non, ça non, mais il y a des gens qui ont moins de bébêtes que d'autres. Là, on va être honnête. Ben prenons oui, les oui. parents les plus compétents au monde là. Prenons, mettons, 10 gars, filles, c'est les parents les plus compétents au monde. Ils ont passé des tests, OK? On les a fait faire des examens. C'est les plus compétents au monde, les plus aimants. Là, là-dedans, là, dans cette gang-là, t'as un couple hétéro, puis t'as un couple de deux lesbiennes. Qu'est-ce qui est l'idéal pour l'enfant? Non, j'embarque pas là-dedans. Moi, je pense que c'est le père et la mère, là. Mais tu sais, t'as le droit de penser ça. Ben oui. Pis... Ça veut pas dire que les deux autres seront pas bons? Automatiquement, on pense que ce que je veux dire, c'est que le couple homosexuel sera pas bon. Alors que non, le couple homosexuel va peut-être très bien s'occuper de l'enfant pareil. Mais le scénario idéal, c'est quoi? C'est juste ça mon point. Mais effectivement, ça m'enlève rien. Les couples homosexuels, les filles d'unité 9 qui adoptent des enfants, je n'ai rien à foutre. Ça continue en passant, le lesbianisme dans l'unité 9. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas eu d'update, t'étais pas là, j'imagine. Là, c'est à peu près, je te dirais, un 20-30% de l'émission, là. Okay. Le frenchage. Puis le... C'est encore les mêmes qui frenchent, ou là, il y en a d'autres? Hier, il parlait d'anulingus. Fait que c'est ça. C'était un des thèmes de l'émission. Les anulingus. Parlant de marginal. Je pense qu'il faut dire anilingus d'ailleurs, là. C'est ce qu'il disait dans l'émission. Et c'était un des thèmes principaux d'Unité 9 hier. C'est quoi un anulingus? On l'expliquera pas. 6h46. Avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Gravel, Landry, le show du matin.